Bon, bah, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM avec Jackie pour le bal, pour la note chef Flamenca. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Restez calés sur le balcon des notre chef Flamenca. Olé, l'émission est faite par l'APF d'Orléans. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2. L'émission est faite par Jackie pour le balcon des, pour la note chef La Manca et par la PF d'Orléans. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Restez calés sur l'antenne, il n'y a pas de problème. On vous passe que des belles musiques. Olé, c'est parti! Ruina y no sé por qué hay esta mujer a mí quiere buscarme. Ruina y no sé por qué. Y siendo yo macho ya y hembra. Que me parió, ay, yo no consiento que. Ay, combinado con un sombrero. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, pour Jackie, pour la note chef Lamanca. Et ça continue encore. C'est pas fini, toujours du flamenco, y a pas de problème. Allez, dansez, olé! Como yo te lo di, tan. viene a mi casa. Mi gente toco cortando. tristeza. No sé lo que voy a hacerme. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par Jackie pour la PF d'Orléans, pour la note chef La Manca. Et ça recontenu encore des belles chansons de flamenco. Olé! Et c'est parti! Y vamos a mi vida par su eje de velo. Anda despacio y a juntarse eje de bebé. Por señal del pañuelo, cuando la vida encamarse, que como le brillaba el pelo. Ahí estabas lavando tú aquel día en la ribera, cuando yo te conocí. Y estabas lavando tú aquel día en la ribera. Me fui acercando a tu vera y hasta el agua sonreía de lo guapa que tú eras. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par Jackie pour le Balcon d'Espagne. Pour la Noche Flamenca, je vous dis buenas noches, bon domingo et à lundi pour le Balcon d'Espagne. Buenas noches, adios. Buenas noches. L'émission se termine, il est 19h59. Je vais vous dire bonsoir. Buenas noches, adios. Я сын Калуиш.